sur les miennes. Dans le satin, les mots me reviennent. Que tu t'attaches à ma vie. Que le ciel nous laisse en sous